بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue cette série de cours concernant la lecture et l'explication du livre de l'imam Ahmed rahimahullah, les fondements de la sunna. Et on était arrivé à la parole de l'auteur, l'imam Ahmed rahimahullah, lorsqu'il dit wal imanu bi ru'yati yawm al-qiyamah kama ruwiya 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-ahadith as-sihah. Et nous dit l'imam Ahmed rahimahullah, et la croyance, et donc il fait partie aussi des fondements de la foi, la croyance dans la vision, la vue, excusez-moi, au jour de la résurrection. La croyance dans la vue. La vue, ce qui est voulu ici, c'est que les croyants, ils verront leur Seigneur. Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Et donc la croyance en la vue ou en la vision, comme je l'avais dit. Et donc il y a énormément de preuves qui montrent que les croyants, ils verront leur Seigneur au jour de la résurrection. On a la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Des visages seront ce jour-là illuminés, regardant leur Seigneur. Et donc les croyants, ils regarderont leur Seigneur, ils verront leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. On a aussi le hadith dans Sahihayn. Dans Sahihayn, le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit innakum sitarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yati. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes vous verrez votre Seigneur au jour de la résurrection comme vous voyez la lune. Comme vous voyez la lune. Et donc de la même façon que nous on voit la lune clairement, alors on verra Allah tabaraka wa ta'ala. La tudammuna fi ru'yati, vous n'allez pas vous déranger mutuellement en cela. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas certains qui vont empêcher à d'autres de voir. On le verra tous. Incha'Allah ta'ala. Et donc, cela fait partie de la croyance des gens de la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ. À ceux qui ont été bienfaisants, il y aura الْحُسْنَ. الْحُسْنَ c'est le paradis. Et الزِيَادَ est un rajout. Donc, à ceux qui ont été bienfaisants, il y aura donc الْحُسْنَ, la meilleure récompense, ainsi qu'un rajout à cela. La meilleure récompense, c'est le paradis. La meilleure des récompenses, donc, le paradis, et un rajout à cela, le fait de voir Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme cela a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Jami' al-Tirmidhi, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant ce verset, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza dakhala ahlul jannati » الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة قالوا بلى فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. Et donc ici le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit concernant ce verset, il dit, lorsque les gens du paradis rentreront au paradis, alors, donc, il y aura donc un appel qui sera fait. Et il sera dit, vous avez un rendez-vous auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors les gens du paradis, ils diront, est-ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas éclairci nos visages? Ne nous a-t-il pas sauvés du feu? Ne nous a-t-il pas fait rentrer au paradis? Dans d'autres narrations, est-ce que vous voulez quelque chose que je vous donne? Et là, il se pose toute cette question, mais tu nous as fait rentrer au paradis, tu nous as sauvés du feu, tu as éclairci nos visages. Alors, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il dévoile, il enlève le voile, et c'est là que ses serviteurs le verront. Et par Allah, donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur donnera pas quelque chose qu'ils aiment plus que le fait de le regarder, tabaraka wa ta'ala. Et donc les croyants au paradis, ils verront leur Seigneur. Et c'est ce qu'ils aimeront le plus, le fait de voir Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc ça c'est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. La croyance de Ahl Sunna wal Jama'a. Et donc il y a, bien entendu, Al-Mu'tazila et d'autres qui ont rejeté cette croyance. Ils rejettent le fait que on verra Allah tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection. Ils ont rejeté des preuves claires. Et donc, comme je l'ai dit, ceci est la croyance des gens de la Sunna. Il est obligatoire d'y croire, comme cela a été rapporté dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur qui nous dit وَرُؤْيَةِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam رَبَّهُ. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu son Seigneur. Donc on a deux sujets. Le premier sujet qu'on vient de voir, le fait que les croyants verront leur Seigneur au Yawm al-Qiyam, et que c'est une récompense. Deuxième sujet, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu son Seigneur. Concernant ce sujet, l'imam Ahmed il nous dit وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ. Donc, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu son Seigneur. Il y a des textes qui montrent cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de manière authentique. رَوَاهُ قَتَادَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ. Qatada l'a rapporté de Ikrima et qui lui-même l'a rapporté d'Ibn Abbas. Wa rawahu al-Hakam ibn Aban an Ikrima an Ibn Abbas. Il a ensuite cité une autre chaîne de transmission qui monte aussi à Ibn Abbas. Wa rawahu Ali ibn Zayd an Yusuf ibn Mihran an Ibn Abbas. Une troisième chaîne jusqu'à Ibn Abbas. Et ensuite il nous dit wal hadith 'indana 'ala zahirihi kama ja'a 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal kalam fihi bid'ah. Et donc le hadith il est pour nous donc 'ala zahirihi, c'est-à-dire donc comme il est cité dans les termes. On ne va pas interpréter ou rejeter les termes du hadith, etc. Le hadith, on l'applique comme il est cité dans les termes. On respecte les termes du hadith. Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de débattre dans ce sujet est une innovation. Walakin nu'minu bihi kama ja'a 'ala zahirihi wa la nunadhiru fihi ahadan. Et donc il dit l'imam Ahmed, cependant nous croyons en cela comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en respectant les termes des textes. Et nous ne débattons avec personne en cela. Tayyib, le sujet, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur? Il y a une divergence concernant ce sujet. Alors, quelle est cette divergence? Il a été rapporté, donc comme l'a dit l'imam Ahmed, d'Ibn Abbas, qu'il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Il l'a vu quand? La nuit où il a été élevé. Quand il a été élevé, au ciel, sallallahu alayhi wa sallam. Et la terre, al-mi'raj. Et donc, ça c'est la parole d'Ibn Abbas. Mais il a aussi été rapporté de Aïcha, radiallahu anha, qu'elle a dit, « Man za'ama anna Muhammadan ra'a, anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu, faqad a'zama ala Allah al-firya. » Et donc elle dit à Aïcha, radiallahu anha, « Celui qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, il a certes prononcé un grand mensonge, un énorme mensonge sur Allah tabaraka wa ta'ala. » Et donc d'un côté on a Ibn Abbas qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. De notre côté on a Aïcha radhiyallahu anha qui nous dit que c'est un mensonge sur Allah de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. On a aussi le hadith de Abu Dharr. On a le hadith de Abu Dharr radhiyallahu anhu qui dit qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit hal ra'ayta rabbak. Abu Dharr, il a dit au prophète, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Est-ce que tu l'as vu? Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu, Nourun anna ara, une lumière, comment puis-je le voir? Comment puis-je voir une lumière? Dans une autre narration, Nourun annani ara, c'est une lumière que j'ai vue. Et dans une autre narration, Ra'aytu nuran, j'ai vu une lumière. Et donc ici, on comprend du hadith de Abu Dharr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu son Seigneur. Aïcha qui nous montre qu'il n'a pas vu son Seigneur. Ibn Abbas radhiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Tayyib, est-ce qu'il y a divergence? Non, il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Parce que dans certaines narrations, il est rapporté qu'Ibn Abbas il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Il n'a pas précisé avec les yeux ou autre. Dans d'autres narrations, il est stipulé que, donc Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec son cœur. Une vision du cœur. Il ne l'a pas vu avec ses yeux. Il n'y a aucun texte d'aucun compagnon qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec ses yeux. Une vision donc normale avec les yeux. Non, Ibn Abbas, il a dit, il a vu avec son cœur. C'est Ibn Abbas qui l'a dit ça. Une fois, il a dit, il a vu son Seigneur. Une fois, il a dit, il a vu avec son cœur. D'accord? Et donc, nous, on ne va pas, on n'interprète pas la parole d'Ibn Abbas. Mais on rassemble les paroles d'Ibn Abbas. Une fois, il a dit ça, et une fois, il a dit ça. Cette parole-là explique son autre parole. D'accord? Et donc là, il y a cette explication des savants. Comme il le dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, par rapport à cela, il dit... وأما الرؤيا فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى محمد ربه بفؤاده مرتين وأنكرت عائشة الرؤيا. Et donc il dit Ibn Taymiyyah, il dit en ce qui concerne la vision, alors certes il a été rapporté de manière authentique selon Ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec son cœur deux fois. Et Aïcha رضي الله عنها elle a rejeté cela. Il dit, Ibn Taymiyyah, il dit, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَكَالَ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رُؤْيَةَ الْعَيْنِ وَأَثْبَتَ ابْنَ عَبَّاسَ رُؤْيَةَ الْفُؤَادِ فَلَا تَعَارُدُ. Il dit, Ibn Taymiyyah, et donc il y a parmi les gens, c'est-à-dire parmi les gens de science, certains qui ont réuni les deux paroles, en disant, donc, Aïcha, radiallahu anha, elle a rejeté la vision par les yeux, et Ibn Abbas, il a affirmé la vision par le cœur. Et donc ici, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il y a aussi un autre avis des gens de science où ils disent que ici, parce qu'en fait, le problème, barakallahu fikoum, les frères, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser ça et nous dire, regardez, il y a divergence dans l'aqida. Les sahaba ont divergé dans l'aqida. Ça veut dire quoi? Quand on vous dit ça? Si quelqu'un vous dit ça, je vous assure, les frères, fuyez, faites très attention. Cette parole, elle est grave. Les gens viennent vous voir et vous disent, attention, les sahaba ont divergé dans la aqida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma'alish, en fait, c'est pas grave, tu ne peux faire de reproche à personne aujourd'hui. Puisque de toute façon, les sahaba ont divergé. Et donc, aujourd'hui, tu ne peux pas reprocher au soufi de faire son soufisme. Tu ne peux pas reprocher aux Tabliri de faire ces innovations. Tu ne peux pas reprocher aux Ikhwani de faire ces innovations. Tu ne peux faire aucun reproche à personne. Même le terroriste, tu ne peux plus lui faire de reproche. Puisqu'ils ont divergé. Alhamdulillah, les compagnons ont divergé, donc nous aussi on diverge. Non. Et donc ici, barakallahu fikoum, il n'y a pas de contradiction entre les deux paroles, la parole d'Aïcha et la parole d'Ibn Abbas, premièrement. Deuxièmement, certains savants, ils nous disent, et d'ailleurs cela a été rapporté de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il dit, il n'y a pas de divergence dans la aqida, dans la croyance, il n'y a pas de divergence. Les frères, barakallahu fikoum, la croyance c'est un sujet d'unanimité. En ce qui concerne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu son seigneur ou pas, ils disent ça, ça ne rentre pas dans l'aqida. Ça, c'est un sujet qui s'est passé. Est-ce qu'il l'a vu ou pas, etc. Ça, c'est un sujet qui s'est passé. En ce qui concerne l'aqida, c'est autre chose. Le fait que nous devons croire en Allah, au prophète, au livre. D'accord ? Au destin. Ayyam al-Qiyam, tout ce qui va se passer au jour de la résurrection, etc., etc., etc. Les piliers de la foi. Et donc, barakallahu fikoum, il est important de bien comprendre cela. Les gens qui viennent nous voir pour nous dire les sahaba, ils ont divergé. Il faut faire très attention à cette ambiguïté. Parce que même dans le fiqh, prenons la jurisprudence. Même dans la jurisprudence, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de divergences. Et oui, tu vas trouver des divergences entre les sahaba dans la jurisprudence. Est-ce qu'on doit réciter la Fatiha obligatoirement lorsque tu es derrière l'imam? Si tu es derrière l'imam et que l'imam récite la Fatiha à voix haute, est-ce que toi aussi tu dois réciter la Fatiha ou pas? Ou alors ça te suffit que l'imam récite la Fatiha? Ça, ce sont des sujets de divergence. Et ça, tu vas trouver. Tu vas trouver, même chez les sahaba, des divergences. Taïeb, maintenant, est-ce qu'il m'est permis de venir avec un autre avis? C'est-à-dire que les sahaba, ils ont divergé en deux avis. Un avis qui dit ça et l'autre avis qui dit ça. M'est-il permis de venir avec un troisième avis? Non, tu ne peux pas. Et donc, tous ces gens-là qui nous disent « Oui, les sahaba, ils ont divergé dans les aqida », même cet argument-là, il est caduque. Il est caduque, cet argument. Le fait que vous dites « Les sahaba, ils ont divergé dans les aqida », même s'ils avaient divergé dans les aqida, il ne vous est pas permis à vous de ramener ces nouvelles choses que vous avez ramenées dans les aqida, parce qu'il n'y a aucun d'entre eux qui dit ce que vous dites dans les aqida. Tout simplement. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre cette ambiguïté. Ne vous laissez pas piéger par ces gens qui aujourd'hui nous propagent cela tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a une fitna, dès qu'il y a une personne qui vient avec une nouvelle voix, un nouveau mouvement, une nouvelle croyance, et dès qu'il y a des gens qui se lèvent pour défendre la sunna, pour montrer la vérité, tu vas entendre certains qui disent « Mais non, mais arrêtez de critiquer, les sahaba, ils ont divergé dans la aqida, c'est bon, on est tous musulmans. » Arrêtez, ce sont les ambiguïtés des frères musulmans, la secte des frères musulmans. On se prend tous ensemble, allez, tous, soufis, chiites, allez, tout le monde ensemble. L'essentiel, c'est qu'on a un président, c'est ça l'essentiel. C'est qu'on mette un président qui est des Ikhwan. Et après, le reste, il faut ramener des votes, soufis, Ikhwan, Tablir, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous votez pour notre président. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne cela, que donc, nous devons respecter le Coran et la Sunna, et la croyance islamique, la croyance des gens de la Sunna, elle est tirée du Coran et de la Sunna. Attendez, on continue. L'imam Ahmed, rahimahullah, il nous dit après cela, wal iman bil mizan yawm al qiyamah kama jaa yuzanu al abd yawm al qiyamati fala yazinu janaha ba'uda wa tuzanu a'mal al ibad kama jaa fil athar aw kama jaa fil athar wal iman bihi wa tasdiq bihi wal i'rad amman radda dhalika wa tarq mujadalatihi. Il nous dit l'imam Ahmed, donc il fait partie des fondements de la sunna. Le fait de croire en la balance au jour de la résurrection. Donc, comme cela a été rapporté, donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le serviteur sera pesé au jour de la résurrection et qu'il ne pèsera auprès d'Allah, il ne pèsera pas le poids de l'aile d'une mouche. Et aussi, dans un autre texte, les œuvres des serviteurs seront pesées, donc comme cela a été rapporté, donc de manière authentique. Il nous dit donc l'imam Ahmed, le fait de croire en cela, de l'accepter, et le fait de se détourner de tous ceux qui ont rejeté cela, et de ne pas débattre avec eux. Et donc il fait partie des fondements des gens de la Sunna, concernant donc la croyance au jour de la résurrection. Il y a plusieurs éléments dans la croyance au jour de la résurrection. On a vu précédemment le fait qu'on verra notre Seigneur. Et donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font partie de l'invisible. Parce que, quand je veux dire de l'invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui, on ne peut les connaître que par des textes. Et donc nous devons les accepter, nous devons accepter ce qui nous a été rapporté donc dans les textes de manière authentique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le véridique, le digne de confiance. Il nous rapporte des informations, il nous transmet les informations venant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et donc concernant l'arme de Qiyama, nous n'y sommes pas aujourd'hui. Mais nous savons que durant le jour de la résurrection, il y aura ça, ça, ça et ça. Pourquoi ? Parce que le prophète, il nous l'a informé. Et parmi les informations qu'il nous a données, la balance, le fait que nous serons pesés au jour de la résurrection. Est-ce que c'est nous qui serons pesés ou nos œuvres ? Il y a divergence. Il y a divergence entre les savants par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que il y a certains savants donc, qui se basent sur le hadith, donc, comme dans Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Yu'ta bil-rajuli l'azimi as-samini » فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُضًا. On viendra au jour de la résurrection avec un homme, donc énorme, et samine, obèse, gros, et il n'aura pas le poids auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala de l'aile d'une mouche. Il n'aura même pas le poids de cela. Et donc cet homme-là sera pesé, c'est lui qui sera pesé. Là, on ne parle pas de ses œuvres. Mais il y a d'autres textes qui nous montrent que ce sont les œuvres qui seront pesées. Naam, Mustapha. Dans les textes, ça arrive pour une image, pour transmettre un message. Alors, c'est ce que certains savants vont dire. Certains savants, ils vont dire non. Il y a d'autres textes qui montrent que ce sont les œuvres qui seront pesées. Comme on a, par exemple, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sunan Abi Daoud, « Mais min shi'in » Donc dans Sunan Abi Daoud aussi, on a Al-Bukhari qui l'a cité aussi dans Al-Adab al-Mufrad. Il n'y a rien qui soit plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et donc le bon comportement, c'est une œuvre, c'est pas une personne, c'est une œuvre. Et donc ici, ça c'est une preuve que nos œuvres seront pesées. Voilà pourquoi certains savants disent que ce sont les œuvres qui seront pesées. Et certains savants vont dire que non, c'est les personnes qui seront pesées, ou du moins, et certains savants vont dire que les hommes et les œuvres seront pesées. Nous, et ainsi que nos œuvres. Et ça, Allahu alam, ça c'est l'avis le plus juste. Pourquoi ? Parce qu'il y a des textes qui montrent que les hommes seront pesés. Comme le texte qu'on a cité tout à l'heure, il y a aussi un autre texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Etarjebouna, est-ce que vous êtes surpris donc de... » Donc de la jambe d'Ibn Mas'ud, parce qu'Ibn Mas'ud, il avait une jambe qui était très fine. Est-ce que vous êtes surpris de cela ? Au jour de la résurrection, sa jambe, Ibn Mas'ud, elle pèsera plus que la montagne de Uhud. D'accord ? Et donc ici, ça c'est une parole qui montre que c'est Ibn Mas'ud lui-même, il sera pesé. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a des textes qui nous montrent que les gens seront pesés. Et à partir de là, donc les savants nous disent les gens et leurs œuvres seront pesées au jour de la résurrection. Taïe. Mais là, maintenant, vous allez me dire, Abdelkarim, tu viens de nous dire qu'il n'y a pas de divergence dans la Aqida. Est-ce que ça fait partie de la croyance pure ? Ça, c'est la croyance pure, ça. Ben, ça, c'est Arnaud Kiyama, ça. Ouais, c'est la croyance pure. Alors, comment on fait ? Alors, est-ce qu'il y a divergence dans la Aqida ou il n'y a pas de divergence dans la Aqida ? C'est ça la question. Ben, là, il y a du... Parce que là maintenant, tu vas aller voir un tabligui qui te dit, viens, on fait un khuruj fi sabilillah. Tu vas lui dire fi sabilillah, ok, mais c'est qui Allah ? Est-ce que Allah il a un visage ? Est-ce que Allah il a des mains ? Est-ce que Allah il est grand ? Est-ce que Allah il est... Il va te dire non, stop. On ne peut pas dire qu'Allah a un visage, on ne peut pas dire qu'il a des mains, on ne peut pas dire qu'il est au-dessus des cieux. Tu lui dis, bon, écoute, d'abord on se met d'accord sur c'est qui Allah, et ensuite on voit pour la suite. Il va te dire, non, c'est pas grave, akhi. Il y a divergence dans l'aqida. On n'est pas obligé d'être d'accord. Il n'y a pas de divergence. Comment tu m'expliques cette divergence-là, alors? Ils sont d'accord sur la posée. Et donc, ils ont l'habitude, excusez-moi. Et donc, ils sont d'accord, les savants, sur le sujet, l'affirmation de la balance. Sur la pesée. D'accord? Ça, c'est un sujet d'unanimité. Maintenant, la divergence, c'est est-ce que ce sont les œuvres ou est-ce que ce sont les hommes qui seront pesés? Est-ce que la balance, elle a deux langues? Etc, etc, etc, etc, etc. Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels il y a divergence. C'est pour ça que les savants, ils vont nous dire il n'y a pas de divergence dans la base de l'aqida. Il n'y a pas de divergence dans la base de l'aqida, il n'y a pas de divergence. On est tous d'accord sur ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ensuite, il y a certaines branches sur lesquelles, oui, il peut y avoir divergence. Il y a certaines branches sur lesquelles, oui, il peut y avoir divergence. D'accord? Mais dans la base de l'aqida, il n'y a pas de divergence. D'accord? Donc ça, c'est important. Une personne qui vient vous voir, qui vous dit, oui, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, on peut diverger dans l'aqida. Première réponse, tu lui expliques, il n'y a pas de divergence dans la aqida, il n'y a pas de divergence dans la base de la aqida. Deuxième chose, tu lui dis, même si il y a eu une divergence, ce que toi tu fais aujourd'hui là, c'était pas là à l'époque. Et donc toi tu es venu avec une autre divergence. Le fait que tu me dises que Allah il a pas de visage, ça n'existe pas ça. Le fait que tu me dises qu'on peut pas dire que Allah il a une main, ça n'existait pas ça avant. Le fait que tu me dises que Allah on peut pas dire qu'il est au-dessus du ciel, ça n'existait pas. Il n'y a aucun des compagnons qui disait ça. Et donc, vous êtes venu avec une nouvelle divergence. Et ça, c'est un rajout dans la religion. Taïb. Et donc, nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, on comprend qu'il fait partie de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, le fait d'affirmer la pesée, le fait d'affirmer la balance au jour de la résurrection. Et ceux qui ont rejeté cela, ils ont rejeté aussi le châtiment de la tombe, c'est El Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ils disent qu'ils rejettent cela parce que la raison n'accepte pas ça, etc., etc., etc. Allah Azza wa Jal, il est juste, il n'a pas besoin de peser, il connaît tout. Allah, il connaît tout. Pourquoi est-ce qu'il va peser nos œuvres? C'est pour nous montrer. Barakallahu fiq. Allah tabaraka wa ta'ala, au jour de la résurrection, il nous montre sa justice parfaite, afin que personne n'ait plus rien à dire. D'accord? Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, de ne pas faire en sorte que nos raisons devancent les textes. Mais nos raisons doivent être conformes au texte. On ne peut pas rejeter un texte sous prétexte que notre raison dit ceci ou cela. Et voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa faqallahu al-jami'a. Lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. وبارك فيكم.